toutes et à tous, vous êtes bien sûr Radio Gemozo 107FM. Vous pouvez nous écouter en streaming sur www.radiogemozo.eu. Et avec nous aujourd'hui, bien j'ai le grand plaisir d'accueillir Arnaud Finance Fulin. Oh, excuse-moi, je l'ai dit à l'envers. C'est Fulin Finance, pardon, excuse-moi. D'Iflam, bonjour Arnaud, comment ça va ? Bonjour à tous, oui, ça va bien. Eh ben, c'est super, merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous. Ben, merci à vous de me recevoir dans vos locaux. Oh ben, c'est avec plaisir qu'on te reçoit dans nos locaux. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance d'avoir un copilote avec moi aux manettes, Chris, notre service civique tout beau, tout chaud. Salut Chris. Salut Lia, bonjour Arnaud et bonjour à tous. Bonjour Chris. Alors Arnaud, tu n'es pas non plus un inconnu car tu es venu il y a quelques temps dans les studios de Radio Gemozo pour faire un stage où on s'était rencontrés d'ailleurs. C'est exact, j'avais fait un stage de 15 jours je crois. Ouais. Et puis je vous avais promis que lorsque mon livre sortirait, j'irais faire la promo chez vous en premier. Donc je tiens ma promesse. Donc je commence par vous pour la promo du livre. Et ben voilà, une exclusivité comme on les aime. Ben merci beaucoup en tout cas. Alors tu étais auparavant, alors déjà eh ben on va déjà situer le contexte. Hein. Tu es venu aujourd'hui nous parler eh bien, de ton livre, hein, comme tu l'as dit. Alors c'est pas le premier. C'est pas le premier, j'avais édité en 2007 Le Trésor de Priam qui n'a pas eu un grand succès mais... Je voulais essayer, juste pour voir, maintenant que je sais comment on fait. Donc, je publie Angel Bay Wrestling Diary, c'est très dur à dire. Oui, c'est pour ça que je te laissais faire. Voilà, et puis j'ai l'intention de percer en dehors de l'écriture, j'ai l'intention de percer aussi dans le dessin. D'accord. Parce que c'est aussi une de mes activités favorites. Là, je reviens du salon des 23 heures de la BD à Fraise. Et j'ai quelques dates de prévues après, une en juillet et une en juin à la Miroiterie. D'accord. Voilà. Et il y a aussi une pièce de théâtre que j'ai écrite avec M. Bolmont, que nous allons... bientôt montée, nous allons la déposer vers la fin de l'année. D'accord. Et puis la saison prochaine, on devrait pouvoir la monter. Mais donc, quel homme, tu es multi-casquette. Hein. Alors là, on parle d'un livre sur le catch, hein, c'est bien ça ? Pas seulement. Pas seulement. Le départ, ce livre-là, si je vous disais, j'ai mis 15 ans pour le faire. Ah oui. C'est un métier tout seul, dessin, il n'y a plus de... Jessie, je crois, à la maison, doit avoir plus de 1000... croquis et dessins de faits. Ah bah oui. Plus une dizaine de cahiers de notes. Donc j'ai pour écrire au moins 3 tomes, sinon plus. Ça, c'est selon l'humeur. Et puis Jessie, elle est née à 2h du matin, il y a 15 ans, dans mon salon. D'accord. Voilà. Ok, bah dis donc. Alors de quoi ça parle ce livre ? Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé ? C'est un mélange de science-fiction et de catch, comme je suis un fan de ce sport-spectacle, parce qu'il faut bien dire, le catch est un sport, on se blesse. Oui. J'en sais quelque chose parce que j'en pratique en tant que manager dans une structure en Alsace qui s'appelle l'UFW. D'accord. Je peux vous dire que c'est des entraînements assez durs et on peut se blesser et à ne pas faire n'importe où. Ah ben bien oui. Entendu. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça sur les pelouses en récréation et chez vous. Donc ça se passe en 2300. Ah d'accord. C'est très très loin. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Ed Topping qui se fait baptiser l'empereur du sport parce qu'il détient tout ce qui concerne le sport. Mais lui, il veut le catch, qui est devenu un sport très très très populaire. D'accord. Aussi bien sur Terre, sur la Lune et sur Mars. Ah bah parce qu'on voyage partout. Mais la particularité de ce catch, c'est qu'on catch avec des auras. D'accord. Ah, c'est bien spirituel. C'est des auras par rapport au catch. Il y a le catch de la voltige, il y a l'aura de la soumission, et il y a le super aura qui fait qu'on devient une superstar. D'accord. Donc, Angel Bay Wrestling, c'est une ville où tous les habitants sont des catcheurs, à aura. Waouh. C'est-à-dire le chef de la police est une catcheuse, le maire est une catcheuse. C'est un peu ton monde idéal, ça, non? C'est quand tu liras le livre, tu verras, c'est pas si idéal que ça. D'accord. On s'aime, il y a de l'amour, on se trahit, on se déteste, on se, y a toutes les facettes du genre humain. Et puis au milieu de ça, il y a Jessica Darlington qui veut devenir une superstar et qui va devenir, à force de travail, Jessie Liberty. Waouh. Alors j'ai voulu faire passer un message, Jessie est indienne, au pays des Anglais, anglo-saxons, enfin des New States, parce que la terre a changé. Ça serait trop long un peu à vous expliquer. C'est-à-dire que, au temps de Jessie, les États-Unis vont du côté anglophone du Canada jusqu'à la pointe de la Patagonie. Ah oui. Et ça s'appelle les New States, avec une nouvelle capitale qui s'appelle Grand Majesty. Oui. Et Angel Bay Wrestling se trouverait sur l'île du New Jersey. D'accord. Voilà. La Californie est une île qui s'appelle l'île du Bel Ange, en rapport avec Los Angeles. Et puis... comme je te dis, on catch sur la Lune. C'est-à-dire qu'en 2300, vous prenez l'avion comme vous prenez l'avion de Paris à Marseille, quoi. Quand vous allez sur la Lune. Ah oui. Ah oui, c'est vous allez sur Mars, vous mettez en hyper vitesse, vous mettez 2 jours, quoi. Voilà. Pourquoi pas. Voilà. Alors, avant, tu étais quand même dans le métier de cuisinier. Comment t'es passé un petit peu des cuisines au catch, à l'édition? C'est une histoire assez rocambolesque. J'ai une histoire assez dure. Quand j'étais gamin, j'avais pas beaucoup d'amis. D'accord. Et j'ai lu l'Iliade à 10 ans, oui, déjà. Et je me suis plongé dans les livres et je suis tombé amoureux de Verne, Dumas, Asimov... plus tard, Tolkien, Lewis, Théophile Gautier, je suis un gros lecteur, je suis un boulimique de livres, j'arrête pas de lire. Et puis un jour, j'ai dit, moi je vais faire pareil. Mais la vie, il faut bien travailler. Donc j'ai passé mon diplôme de cuisinier, à 15 ans, je suis entré en école hôtelière. Et bon, j'ai fait le service militaire, c'était obligatoire à l'époque. Et je suis rentré dans un hôtel qui s'appelle Le Tremplin, j'y ai resté 25 ans. Ah oui, ouais, j'ai 30 ans de métier. Mais après mes services, écriture, dessin. Oh, d'accord, dis donc. Mais mes premiers dessins, je les ai faits, je devais avoir 6-7 ans. C'était un Goldorak de l'époque. Et puis ça m'a plus lâché. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. Un peu comme Obélix, c'est mais ça. Je suis un fou, je suis un rêveur. Mon entourage me le dit assez souvent. Il y a un truc qui m'interpelle, ça y est, ça me donne une idée. J'ai plein de projets qui dorment au fond de mes tiroirs. Et le but de Jessie, j'ai dit, j'en ai marre des Amerlocs avec le super-héros, je vais faire un truc à la française. Ouais. Et puis voilà, quoi. Jessie est tombée comme ça, quoi. D'accord. Et il y a plein... Jessie, c'est pas seulement qu'une aventure, c'est aussi plein de messages que je veux faire passer. Parce que sa première rivale, c'est une businesswoman, du sens de l'argent. D'accord. Et la deuxième, c'est une militaire. Voilà. Ok. Et après, bon... Et il y a plein de... Il y a plein de messages, comme je parle le mariage pour tous, parce que, je vais le dire, il y a des catcheuses qui sont gays. Oui. Bon. Jessie, elle, non. Hein, elle marie... elle n'a pas un destin si beau que ça. Hein. Faut pas. Le départ, il y a une guerre sur Mars, elle se blesse au bras, elle faillit ne pas faire la carrière qu'elle voulait, elle broie du noir, elle rencontre ce qui va devenir son mari, un Français d'ailleurs, et puis là, elle se retape, il y a la magie indienne qui opère, qui la soigne, et puis en avant. Et puis on est parti là-dessus, quoi. Ben oui. Mais le début du livre raconte plus la jeunesse d'Angel Bay. Jessie ne vient que vers le milieu. D'accord. Le second, ça va être le Angel Bay storyline. Là, ça sera que Jessie. De son troisième règne de championne jusqu'à la fin de sa carrière. Voire plus, parce que j'ai quand même écrit sa mort. Ah, ça c'est j'ai dur. J'ai écrit La mort de Jessie. Ah. Alors, est-ce que je vais l'éditer ou pas? Je sais pas. Bon. Je sais pas. Quand on t'entend parler, on a l'impression que tu vis un petit peu avec tes personnages. Ils font partie de ton quotidien, ces personnages, les personnages de ton livre? C'est un peu ça, oui. Il y a des gens du livre qui existent réellement. J'ai changé les noms, mais ils existent réellement. D'ailleurs, je crois que Chris, tu es fan de catch. Quand tu liras ce livre, tu verras qu'il y a des personnages de la WWE qui se rejoignent un peu, sans vraiment copier, parce que c'est pas du copyright, vu que leur personnage leur appartient, mais tu verras, tu t'y retrouveras, tu diras, bah tiens, celui-là je connais, j'ai déjà vu. Eh ben, je suis impatient de le lire du coup. Je te le conseille, oui, je te le conseille, parce que faut que j'achète mon beefsteak tous les jours. Mais je veux dire, oui, les personnages m'appartiennent, j'aime autant comme ça. Je serais même assez dur si un autre dessinateur dessinait Jessie. Je pourrais pas le supporter. Pourrais dessiner mes autres personnages et Jessie, j'y tiens pas trop. Parce que c'est quelque chose que j'ai inventé avec une base. Parce que quand vous la voyez, elle ressemble un peu à Wonder Woman. Parce que je suis un énorme fan de comics. Maintenant, je trouve qu'il y a trop de films de super-héros. C'est trop. Mais quand j'étais gamin, je lisais ça. Et mon premier dessin en comics a été Superman et Wonder Woman. Premier copyright. Et après, j'ai créé mes personnages tout seul. Mmh. Voilà. C'est intéressant. Ok. Alors, on va peut-être se faire une petite pause musicale. Alors, c'est Chris qui nous a concocté la playlist d'aujourd'hui. J'espère que t'as mis du rock. Mais il n'a pas vraiment mis du rock, il a pensé au catch. Mais voilà, si t'as d'autres idées pour la suite de l'émission. Tu as mis des musiques d'entrée, je présume. C'est ça. Alors, vas-y, envoie. C'est parti pour... Et la première que j'ai choisie, c'est la musique d'entrée de Maria Kanellis. Oui. With the Legs Like That de Zebrahead. Mmh. Donc, Maria Kanellis qui est devenue maman d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Exactement. Here she comes again, like good medicine. Every step she takes, my blood is flowing. Her legs go on and on for days. Gotta hold my knee, I need the remedy. Just to hold her would be a cure for me. Makes me wanna sin. My heart stops when I think about her coming. Her legs go on and on for days. She's got a hold on me. It's a tragedy that I will never get the chance to have her close to me. When she moves, she takes my breath away. She's breaking down. On est toujours ensemble sur Radio Guémozo avec aujourd'hui Arnaud qui est venu nous parler de son tout nouveau livre, Angel Bay. Je dirais pas la suite parce que je... Angel Bay Wrestling Diaries. Ok, ça marche. Je vais m'entraîner, promis, la prochaine fois j'y arriverai. Tu penses à Los Angeles, ça va tout seul. Ça marche. Voilà. Alors, t'as déjà préparé le tome 2 ? Le tome 2 est en cours d'écriture, il a déjà 50 pages d'écrit. Ah oui ? Oui, parce que je travaille comme ça, je suis l'actualité du catch, donc je m'en inspire. Et puis j'écris sur cahier avant de retranscrire sur ordinateur. D'accord. Et ça marche très bien comme ça, c'est une bonne méthode, donc j'en change pas. Là, il doit avoir à la maison, comme je l'ai dit tout à l'heure, une dizaine de cahiers de 200 pages de notes, d'annotations. Au départ, à la création de Jessie, il y avait 75 catcheuses de créer. Ah oui. Je trouvais que ça faisait trop, sans compter les équipes, de catch à deux. Et plus les personnages secondaires, ça faisait 120, 130 personnages. J'ai dit, là, je vais prendre ceux qui m'intéressent le plus. Après un écrémage, j'en restais 50. Et puis, j'en suis arrivé à une dizaine maxi. Quoi. J'ai pris les plus... ceux qui me disaient le plus, qui me parlaient le plus. D'accord. Après avoir choisi le personnage, il faut créer l'histoire, le destin. Comment elles sont venues là, comment... Et on me disait, ouais, c'est bien un truc sur le catch. Je dis, ouais, mais les hommes, on en voit trop, je vais faire que des femmes. Ouais, oh, des femmes. Et j'ai dit, écoutez, dans l'ère où on vit, les femmes, elles n'ont pas tellement beaucoup de romans qui parlent d'elles. Tu crois? Oui, je crois. Non, je veux dire, dans ce milieu-là, je veux dire, en héroïque fantasy, j'ai pas vu beaucoup de super-héroïnes. Mais vraiment, héroïne, femme. Il y a toujours un homme, il y a toujours un truc. Alors j'ai dit, moi, je vais m'axer là-dessus. Même dans mes futurs romans, à part Delphia, j'en parlerai plus tard. À part Delphia, où c'est autre chose, mais les trois quarts de mes romans de science-fiction, les héroïnes sont des femmes. Toujours. D'accord. J'y tiens beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'entends beaucoup, parce que je suis beaucoup l'actualité, j'entends beaucoup, ah oui, mais on fait le même métier que les hommes, mais on est sous-payé. Oui. On a plus de risques, on s'occupe des enfants, on a un métier, il faut rentrer à la maison, il faut s'occuper de la maison. Tout à fait. Alors moi, je me suis dit, y a quoi... Puis j'ai vécu dans un monde de femmes, parce que mon père est parti quand j'avais 7 ans. Oui. J'étais élevé avec ma sœur, ma mère, ma grand-mère. Donc, j'ai vécu... T'es sensible à ça, donc ? Ouais, assez sensible. Et puis, je me dis, mais bon Dieu, vous, les hommes, vous avez déjà pas mal de trucs. Et puis, quand vous voyez comment vous gérez la planète, il y a un gros problème, quoi. Et puis, donc, j'ai dit, je ne ferai que des super-héroïnes femmes. Ah bah, c'est tout à ton honneur. Moi, voilà, je suis pour, moi. Ouais, je m'en doutais. Et tant que j'aurai ce genre de commentaires, je continuerai. Mais voilà. Tu as plein de commentaires comme ça. T'as pas de soucis. Chris, est-ce que tu peux poser quelques questions à notre ami ? Parce que je précise que Chris a également écrit un livre. Je serais heureux de le lire. Bah bien entendu, s'il a envie de t'en prêter un ouvrage, voilà, pas de souci. Mmh. Mais en plus d'aimer le catch comme toi, il écrit aussi, donc je pense que vous avez quelques petites choses à vous dire. Eh bien, je vous écoute. Donc j'avais quelques questions. Pour retrouver ton inspiration, tu t'inspires de quoi justement ? Oh, alors là... Pour faire une dose d'humour, je te conseille pas d'habiter dans ma tête. Okay. Parce que c'est un vrai cabois là-haut, enfin un cabois, un vrai placard. Mes inspirations, actualité, beaucoup. D'accord. Ce que je connais, donc comics, mythologie, légende arthurienne, alors tu vois, hein, c'est assez varié, fantastique. Mm-hmm. Littérature classique avec Dumas, Verne, Théophile Gautier pour les KPDP, que j'adore. Je regarde les vieux films, parce que je trouve que les nouveaux films, c'est bien, mais les blockbusters, ça va 5 minutes, quoi. J'en regarde, et pas plus, mais je regarde beaucoup de séries comme Once Upon a Time, ces séries comme ça, super-héros bien sûr, mais beaucoup d'actualités, beaucoup de ce qui se passe dans le monde. Et puis mes héroïnes me viennent comme ça, quoi. Ça me vient comme ça, ça me toque. Je dis, tiens, voilà, pas mal ça, c'est pas mal, ça peut faire une idée, on va fouiller et on fait. Il y a une autre super-héroïne, je cherchais une idée, je voulais faire un comics, mais comme t'es tout seul, bah, tu peux pas. Et puis t'as les autres, bah non, on a du travail, tu comprends. Bon, ok, je vais mettre ça dans le fond. Et je cherchais une idée. Et puis un jour, en regardant les actualités, j'ai vu la statue de Marianne. J'ai dit, la voilà l'idée. Marianne Dark, super-héroïne française. Et le projet, il est à la maison. Il doit avoir 50 ou 60 dessins de faits. Et le texte, les notes de cahier, déjà. D'accord. Voilà, ça me vient comme ça. Ça prouve que... On peut prendre un exemple. Hein. Ici, tout bête, tu vois, je suis ici. Par exemple, Ia, c'est un joli prénom. On peut le mettre dans Delphia, je peux le mettre. Ia, c'est un nom de fée. Et tu peux faire un truc du tonnerre de Dieu. Tu vois, c'est une simple idée. Et justement, parce que donc dans ton livre Angel Bay Wrestling Diary, il est donc question de catch, un petit peu. Et vu que toi, oui. Et vu que toi, tu as été catcheur, tu as travaillé dans le monde du catch. Non, j'ai travaillé dans le monde du catch. Et je monte de temps en temps sur le ring en tant que manager. D'accord. Mais je connais bien ce milieu, oui. Voilà, donc tu t'inspires, je suppose, de ta carrière, peut-être pour écrire. La carrière, des amitiés que j'ai avec certains d'entre eux. Oui, et puis il suffit de regarder quelques matchs et puis ça y est, tu te fais une idée. Mais match féminin, bien entendu, pour Jesse, je vais pas la faire catcher comme un homme. Hein. C'est sûr. Bon, ce qu'il y a, toi qui connais le catch, ce qu'il y a, que quand tu crées une catcheuse pour Angel Bay, ce qui est le cas, c'est tu crées la catcheuse, oui. L'histoire, d'accord. La prise de finition. La manière de catcher. Bien sûr. Je te dis, j'ai passé des nuits blanches. Je me couchais à 2h du matin. 8h, je retournais au boulot. Et je vous dis, j'ai eu des valises sous les yeux. À l'époque, il y a des valises. Hein. Puis voilà, quoi. Mais c'est ma drogue, ça. C'est ma drogue. C'est mon... Écrire, c'est... J'écris pas pendant 2 jours, je deviendrai fou. Hein. Oui, c'est une vraie passion. C'est pareil pour dessiner. Je deviens... Mais là, j'ai pris un peu de repos après le salon, parce que ça épuise. Oui. Mais là, normalement, mercredi, je devrais reprendre les aventures de Jesse. D'accord. Voilà. Et donc, on peut voir que donc, dans ce livre, la fédération donc, du livre, c'est la SDW. La Sensational Diva of Wrestling. D'accord. Et pour la créer, tu t'es inspiré de quelque chose, genre peut-être la catcheuse Sensational Chérie ou... Yes. Et la présidente Princesse Barbara, qui est une ancienne catcheuse, d'accord. Elle dit, puisqu'elles seront des déesses du ring, ça s'appellera la Sensational Deesse of Wrestling. D'accord. Voilà, ça s'appelle comme ça. Je voulais l'appeler Godless, mais comme il y a un show qui s'appelle comme ça, dans le livre, j'ai dit, non, on ne va pas faire comme ça. D'accord, ok. Ouais, mais c'est... tu verras, tu lis, tu verras la création de la SDW, c'est tout bête, hein. Vraiment tout bête. D'accord, ouais, bah, je lirai avec plaisir. Et donc, je ne sais pas si tu as d'autres questions, Lia. Bien entendu, j'en ai plein des questions. Y a une différence, tu nous dis, entre le catch féminin et masculin, ça, moi, je ne savais pas, du coup. Le catch masculin est plus véloce, plus dur, oui. Plus... testostérone, disons le mot. Alors que le catch féminin, qui commence à bien venir à la WWE, est beaucoup plus technique, beaucoup d'accord. Plus aérien, beaucoup plus délié. Et c'est-à-dire que vous n'avez pas de grosses prises, c'est pas bourrin, c'est pas... Non, c'est délié, c'est technique, c'est... Il n'y a pas le coup de la corde à linge. Si. Ah, si. Je connais ça. Le coup de la corde à linge, il existe. C'est une prise très, très, très classique du catch. D'ailleurs, on la prend dès qu'on arrive dans un club, on la prend tout de suite. D'accord. Et puis, non, c'est beaucoup plus aérien. Je parle d'une catcheuse qui s'appelle Charlotte Flair, qui nous fait un 460 du haut de la troisième corde, qui est assez sensationnel. Quand c'est sur le ring, ça va, mais quand c'est porté à l'extérieur du ring, alors là, ça prend. Et là, pour moi, à mon sens, c'est qu'un avis, la plus belle catcheuse qui m'était donnée de voir jusque présent, ça reste Becky Lynch. D'accord. Qui pour moi est vraiment le must ce qui se fait en catch féminin. Ouais. En France, nous avons Shana, nous avons Shana qui est une grande amie qui a fait de la TNA. Nous avons Amal Winchester qui a gagné en Allemagne ce week-end. On a des catcheuses, on a Camille Grignon qui est formidable. On avait dans le temps Pauline Lahou. Et plus près de nous, à la LNC, on a Sophie Texas qui est excellente. Et Esme Somptueuse qui est devenue Bella Athena qui est pas mal. D'accord. Donc je regarde dans le monde entier. Au Mexique, c'est encore pas ça. Au Canada, c'est formidable. En Angleterre, j'en parle pas, ils sont très forts. Et en Allemagne aussi. Le catch féminin commence à prendre le pas sur le catch. À la rigueur, à la WWE, je préfère plus le show évolution qu'ils ont fait qu'avec des femmes que les grands événements comme Money in the Bank. Bon, il reste WrestleMania qui est la messe du catch dans le monde entier. Ça fait 36 ans que ça dure. J'en ai pas raté un. Hein. J'ai même participé à un. C'est pas vrai. Ouais, c'était à Toronto. Ah oui. En 91. Et le main event, c'était Hulk Hogan contre Ultimate Warrior. C'est un match qui a duré 35 minutes avec la défaite d'Hulk Hogan. Mais enfin, c'était voulu. Hein. Il faut savoir que dans le catch, c'est des scénarios de match. On scénarise le match. Après, c'est les catcheurs, ils se débrouillent. Ils répètent. Il répète le ballet, tout ça. Et Angel Bay, c'est un peu ça. C'est une histoire. D'accord. Mais que j'ai retranscrit pour que ça rende vrai. D'accord. Et là, les prises, elles sont portées. Hein. Elles se blessent, il y a du sang. Ah oui, on rigole pas, quoi. Ah non, non. Jessie, par exemple, elle se transforme, elle dit « Je suis sur le sentier de la guerre ». Quand elle dit à Topaz « T'as rien dans le corsage, je vais te botter le string. » Là, je peux vous dire que Jessie, elle n'est pas polie. Hein. Pourtant, en dehors du ring, c'est quelqu'un de très bien. Mais, elle fait. Ou alors, je vais te faire bouffer les escarpins pour une femme d'affaires. Ok, je vois. Voilà. Ok. Donc, on se crée vraiment un vrai personnage quand on monte sur le ring. En fait, on n'est plus soi, on n'est plus le civil. C'est un peu du théâtre. C'est un peu de la comédie, mais on se fait mal. Oui. J'ai toujours eu une question là-dessus, moi. Est-ce que les catcheurs, ils répètent entre eux avant de la rencontre sur le ring? Est-ce que les deux adversaires se... Ce sont des secrets, si je vous l'ai dit. Bah non. Il n'y aura plus de rêve. Bah voilà, voilà. Alors, tu nous parlais de Hulk Hogan juste avant. Alors, si tu veux, eh bien, on se fait une petite pause. Alors, musicale. Hulk Hogan a été un de mes catcheurs favoris. Oui. Je fais partie de ces... C'était un mec qui a travaillé pour arriver là où il est, au même titre que Triple H, d'ailleurs. Mm-hmm. C'est des gens que j'admire parce qu'ils partent de rien pour arriver à... Au sommet. Ah, c'est quasiment des dieux, quoi. Oui, c'est... Oui. Voilà, quoi. On va écouter un petit son, justement, donc de l'entrée de Hulk Hogan, hein, que nous a concocté Chris par voilà, ton envie. Et on se retrouve juste après. Eh ben, je te remercie, Chris. I am a real American. Fight for the rights of every man. I am a real American. Fight for what's right. Fight for your life. Man, I can't let it. Vous êtes toujours avec nous aujourd'hui dans la bulle. Nous recevons Arnaud qui est venu nous parler eh bien, de son livre Angel Bay sur eh bien, notamment le catch qui est voilà, ta grande passion. Alors le catch, t'es tombé dedans quand tu étais tout petit, hein, tu nous as dit ça. Je devais avoir 11 ans. Ouais. Premier match à la télé, Flash Gordon contre Jesse Texas. Ouais, c'était en 82. Donc d'accord, ça vous donne l'année de ma naissance. Voilà. Donc, ouais, mais pas seulement tous les sports en général. Surtout tous les sports avec un ballon. Ouais. Et je voudrais me spécialiser dans ce que j'appelle, moi, le sport science-fiction. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire mettre le sport manière futuriste. D'accord. Là, j'ai une idée assez farfelue, mais là, c'est qu'une idée. Je m'étais dit, si l'Heroic Fantasy rencontrerait le football, qu'est-ce que ça donnerait? Ah bah sûrement plein de choses. Eh bah, j'ai créé la ligue, j'ai créé les équipes, j'ai créé quelques dessins, et puis voilà. Ah, suite à suivre alors. Oui. Comment ça s'est passé pour l'édition de ton livre? C'est toi qui as contacté une maison d'édition? Ah, ça a été un chemin du combattant, parce que ouais, quand on n'a pas de contact, c'est dur. J'ai envoyé le texte par mail, beaucoup de mails. Alors, il y a eu plusieurs maisons. J'ai eu 6 propositions. Ah oui. Mais certaines, il faut payer. Ah oui, et comment ça? Ah ben, il faut payer pour que éditer le livre. Ah bon, je pensais le trésor de Priam, j'ai lâché 3000 euros pour le faire publier. Ah ouais, aux éditions Amaltée. Ouais, ouais, ouais. Mais le Lys Bleu, ils m'ont dit, ah, le comité de lecture, la jeunesse, ça les intéresse. Et je dis, ouais, mais il faut... Ah non, non, vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Ah, bah voilà, une belle maison d'édition. Et puis ils m'ont donné 40 volumes de Jessie que je puisse en vendre un peu partout. D'accord. Non, pardon. Il est sorti depuis le 21 mars. Ah oui, déjà. C'est tout frais là. Ouais. Donc je m'occupe de rien, donc tranquille, j'ai plus qu'à écrire. Mais certaines maisons d'édition me demandaient 3000 euros, plus 1000 euros si on veut le faire paraître au Canada, en Belgique, tout ça. D'accord. J'aimerais franchement que Jesse aille au Canada francophone, oui, en Belgique et au Luxembourg. Mais ça, bon, faut voir à la suite. Bah oui, tu verras bien. Parce que j'ai des copains en Belgique. J'ai un ami qui a une petite édition qui s'appelle Paradox. Et Jesse avait commencé sa petite histoire-là, qu'en dessin, pas en texte. Et il y avait un Américain qui a dit... C'est pas mal l'idée. Oui. Parce qu'elle a été présentée au salon du Fanzine à Bruxelles. D'accord. Si je peux, j'y vais. Parce que, bon, quand vous êtes au chômage, les finances, c'est pas ça. Ah ben ça, c'est sûr. Donc, j'ai de la chance d'avoir un éditeur qui me demande rien. C'est pour ça que j'ai choisi, d'ailleurs. Mais oui. Faut être honnête. Et puis voilà. J'ai dû envoyer à quinzaine de maisons. D'accord. J'ai eu plus de refus que d'acceptation. Oui. C'est... Alors vous avez le fameux « Ah, c'est pas mal ce que vous faites, mais... » Ah oui, on vous écrira, d'accord. C'est un peu comme tout. Et puis, bon, je me suis aperçu que c'était un monde dur quand même. Oui, hein. Il faut être tenace. Il faut être... Et puis même les éditeurs entre eux, c'est assez hard, hein, c'est assez... C'est la loi de la compétition. Alors quand le Lys Bleu m'a dit « Ok, on vous le prend. » J'ai dit... si vous me faites entièrement confiance, moi je vais vous sortir des romans. Vous avez dit pourquoi vous en avez beaucoup? J'ai dit j'ai sa suite, j'ai Delphia, j'ai plein de... J'ai même un scénario de dessin animé. Ah oui? Ouais, un Goldorak à la française. Alors c'est si les mousquetaires étaient des robots géants. D'accord. Pilotés par des femmes. Ah, on te reconnaît bien là. Le robot d'Artagnan est conduit par Constance Dumas, ça ne s'invente pas. D'accord. Et pareil, ça se passe dans le futur, et c'est par la pensée, grâce à un ferret, mm-hmm, hein, on reprend la trame, elle le met, et D'Artagnan parle avec Constance. D'accord. Pendant le combat. Oula. Et c'est des trucs... C'est cherché, hein. Ouais, ouais, ouais. Oh, bah, je pousse très très loin. Et même dans un dessin, je fais Jessie, je la mets au mur, je dis, ah, il y a l'ondulation des cheveux qui ne va pas. Ah ouais. Ah oui. Oui, je suis très très... T'es perfectionniste. Ah bah, à la cuisine, hein. Un plat, c'était ça, hein. Oui. Donc, ça m'est resté, quoi. D'accord. Alors là, tu es en train d'écrire donc un autre roman qui s'appelle Delphia, c'est ça? Tu es en pleine écriture? Delphia, c'est une idée tout bête. Elle est venue dans ma cuisine. J'ai appelé la serveuse. J'ai dit, viens voir, viens voir, viens voir. Tu prends ton bloc-notes et tu vas noter exactement ce que je vais te dire. Vas-y, vas-y. Un dragon. Une licorne. Une fée. Une roi. Un roi. Ouais. Un mage. Et puis, un petit être, peu importe, un lutin, j'y jouerai. De cette idée-là, j'ai fait une ligue qui combat le mal. D'accord. Résultat, 600 pages. Waouh. Ah oui, quand même. Il y a pour deux volumes. Ah oui, d'accord. Avec une mouture pour... j'ai créé des chérubis. Alors, c'était des petits êtres, des petits, ouais. Petits bonshommes qui sont issus, pardon... d'un mariage entre les anges, ouais. Donc ils ont des pouvoirs fantastiques. Et j'ai fait une mouture rien qu'avec eux. D'accord. Je les ai dessinés, je les ai... Ouais, c'est... Alors, pareil, il me manquait une idée. J'ai dit, je ne vais pas faire des nains banals. Ça ne sert à rien. Je suis allé à la fête foraine et j'ai vu les gamins devant les voitures de manège. Je me suis retourné vers mon épouse, je lui ai dit, tu vois les chérubis, ils auront des forinettes. Elle me dit, c'est quoi? C'est des petites voitures de manège. D'accord. Alors, ils se déplacent en autoscooter, mais personnalisés. Oh, c'est génial, ça. c'est tout des trucs, voilà. J'ai dessiné le village, qui ressemble un peu à un village alsacien, puisque, étant donné que je suis d'ici. Oui. Et puis... on fait les petites aventures, comme ça. C'est chouette, mais t'es l'imagination sans faille, quoi. Sans limite. C'est que je me souviens d'une citation d'Albert Einstein qui disait « La différence entre l'intelligence et l'imagination, c'est que l'intelligence s'arrête, mais l'imagination englobe tout et on peut tout faire. » Ah ben ça, c'est vrai. Voilà, c'est tout. C'est ni plus ni moins. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les mythologies. D'accord. Ouais, scandinave et grec surtout. Et il n'y a pas plus dur que la mythologie grecque. C'est hein. Vrai. Il n'y a pas plus... Et puis l'histoire de France, que je suis féru, c'est pareil, alors trahison, machin. Et tu, voilà. Tu fais un petit mélange dans ta tête avec tout ça? Ouais, par exemple, quand je veux créer un personnage, je lui dis, tiens, celui-là, pour justement... Pour Angel Bay, quand j'ai créé Queen Britannia, alors j'ai dit, ouais, c'est pas mal, il y a eu le British Bulldog, on va le faire au féminin, mais on va lui faire un kilt. Avec les couleurs anglaises. Ah ouais. Et on va l'appeler Queenie. Ah bah voilà. Alors Queenie, elle a un parcours assez anecdotique. Au départ, elle est méchante, elle est avec Topaz. Mais pendant un match, elle fait ce qu'on appelle un face turn, c'est-à-dire qu'elle devient gentille. D'accord. Et elle devient la meilleure amie de Jessie. Waouh. Mais dans le deuxième, bon, je dis pas. Ne nous spoil pas, surtout. Non, pas de spoil. Est-ce que tu as fait lire déjà tes lignes à tes proches? Est-ce que, ma femme qui ouais. a fait la correction. D'accord. Parce que l'éditeur dit, oh, y a des fautes, des coquilles, ça, c'est trop de frais. J'ai dit, attendez, on va le reprendre, on va le faire ensemble, ouais. avec ma femme. Donc ma femme, elle, c'est Topaz. D'accord. Topaz, c'est sa préférée. Ma mère, elle ne peut pas, puisqu'elle est aveugle à cause du diabète. D'accord. Mais... Il faut que tu lui lises. Moi, je ne lis pas, moi, j'écris. Oh, alors. Non, mais il y aura mon beau-père qui lui fera, c'est pas un souci. Oui, je lui lirai aussi. Mais comment? Ouais, j'ai lu, j'ai fait lire pas mal de personnes, des catcheurs. Oh, ah ouais? les catcheurs de mon club. Ah ouais, c'est super, ouais, c'est génial. Faut que tu continues. Ça doit faire plaisir d'être encouragé. Ouais. Mon poulain, là, je t'ai montré, Tennessee, qui a été emballé, qui a dit c'est super, Arnaud, faut que tu continues. Vas-y. Et puis, mon ami Monster Jack, qui m'a dit, tu sais, en France, il n'y a pas de livre sur le catch. Ouais. Et ça serait pas mal que tu continues, que tu parles de nous. Ben oui. Et moi, mon plus grand regret, avec ce qu'il y a en France, c'est qu'on n'est pas une énorme fédération française de catch. C'est ce que je pensais tout à l'heure. Comment ça se fait que c'est plus développé aux États-Unis qu'ici ? Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, ils sont professionnels. Oui. Ne font que ça. Oui. Attention, je parle de la WWE. Parce qu'il y a le circuit indépendant, c'est pas ça. Hein. Il y a des petites structures, elles ont du mal. Hein. Faut pas croire. Mais en France, le catcheur, il est intermittent du spectacle. Ah. Il n'est pas reconnu comme sportif à part entière. D'accord. En France, il n'y a qu'une fédération de catch sportif, c'est la WS. D'accord. Et je crois la LNC, je crois, aussi, qui fait du catch sportif. C'est tout. Mais nos... Pardon. Nos catcheurs, oui, sont obligés d'aller en Allemagne. D'accord. En Belgique, en Angleterre, pour vivre. D'accord. Pour vivre. Ah oui. Il faut savoir qu'un catcheur, il gagne 120 euros pour faire un show. Ah oui, donc c'est pas grand chose. Et avec aux États-Unis, un catcheur, même le plus bas payé à la WWE, il est à 25 000 $. Ah oui. D'accord. Ah oui, d'accord. Vous voyez la différence. Ah oui. Un gars du Ring of Honor, il est à 10 000 $ par soir pour 20 minutes. D'accord. En France, on a un promoteur qui s'appelle Marc Mercier. Mais il y a tellement d'égo. Tellement de... Parce que attention, c'est des égocentriques, hein, pour certains. Il y a tellement d'égo, ils ne veulent pas ranger leurs égos. Alors chacun fait sa petite soupe dans son coin. Mais je dis, purée, avec tout ce qu'on a, oui, faites une fédération énorme. Mais oui, mais ça ne tiendra pas, puisque le gouvernement ne veut pas nous reconnaître sportifs. D'accord. Voilà. Il faut faire une avancée là-dessus. Voilà, c'est tout. Donc, et j'en parle un peu dans Angel Bay. Il y a des structures qui sont... Ok. Voilà, quoi. C'est bien, tu regroupes des faits d'actualité dans un roman fantastique, ça c'est génial. Mmh. Alors on va se lancer dans notre dernière pause musicale parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission, c'est passé à toute allure quand même. Et moi j'ai choisi l'entrée de John Cena, tu m'en veux pas ? John Cena, ça peut aller, ça va. C'est mon préféré à l'époque, je ne regardais pas souvent mais lui il m'avait marqué, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Donc on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. D'accord. Still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic, I win this. So you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm harder than nails. Plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Kid, your boy hold weight. I got my soul straight. I brush your mouth like Colgate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you'll never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the 3 second tan. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, yeah. My time is now. It's gonna be what it's gonna be. 5 pounds of courage, buddy, base, 10 pants with a gold tee. It's a war dance, a victory step. A boss stance is a gift, and you insist it's my rep. John Cena trademark, y'all are so-so. And talk about the bread you make, but don't know the recipe for dodo. Aiming guns in all your photos, that's a no-no. In this pop, your lip lock, your big talks are blatant no-so. See what happens when the ice age melts. You see, monetary status is not what matters. but it helps. I rock a timepiece by Benny, if any. The same reason y'all could love me is the same reason y'all condemn me. A man's measured by the way that he thinks. Not clothing lines, ice links, leather and minks. I spent 20 plus years seeking knowledge of self. So for now, Mark Breck is living life for wealth. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. Nous sommes toujours dans la bulle pour la toute dernière partie de cette émission, toujours avec Arnaud qui nous a présenté son livre. Où est-ce qu'on peut retrouver ton livre si on veut se le procurer? Alors, on peut le trouver sur Amazon, d'accord, dans toutes les bonnes FNAC de France et de Navarre. On peut le commander directement à la maison d'édition. Le Lise Bleu, d'accord. Et puis, il y a plusieurs... Enfin, vous allez sur le site du Lise Bleu, vous verrez, il y a les Furets du Nord, qui est une librairie. D'accord. J'ai contacté la librairie Le Neuf à Saint-Dié. D'accord. Quand j'étais là-bas à Fraise, je contacte plusieurs librairies par net, tout ça. Oui. Donc, il y a Dilicom aussi qui le publie. Donc, tout ça, quoi. D'accord, ok. Faut que je mette les liens sur Internet, je vais voir. Oui. Voilà, et puis après on verra ce que ça donne. Mais oui. Là, je pense que avec la participation des Imaginales, ça devrait pouvoir booster un peu. C'est ce que j'allais dire. On te retrouve bientôt aux Imaginales, c'est bientôt, hein, le dernier week-end de mai. Tu auras un petit stand, tu seras présent quatre jours. Je serai présent les 4 jours normalement. C'est pas vrai. Les 4 jours, je serai présent, ils m'ont confirmé, il y a un stand. Oui. Donc ça, c'est un vieux rêve. Ah bah oui. J'avais dit à mon chef à l'époque, j'ai dit, vous verrez, en tant qu'auteur, je serai aux Imaginales. Il m'a dit, je te le souhaite. Alors, c'est un rêve qui se réalise. Ah, c'est chouette, ça. C'est chouette. Et puis après, on va capitaliser là-dessus, puis on ne va plus arrêter, parce que c'est bien beau, on fait un livre, et puis après, on s'en va. Non, moi, je ne veux pas. Puis en plus, tu vas rencontrer plein de gens là-bas, plein d'auteurs, déjà. J'ai déjà eu un beau contact à Fraise, c'est Vega. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est à Saint-Dié. Le monsieur est venu me voir, très gentil, très, très aimable. Il m'a dit, je t'avais promis de venir, donc on se connaît depuis 2-3 ans. Ouais. Et il m'a dit, en juillet, on va faire un truc là-bas, avec ton livre. Ce serait pas mal que tu me redessines Jessie. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Et puis, je vais te suivre. Et puis, en fin novembre, je vais faire un truc de la science-fiction, un salon, pour avoir le marché alsacien. Donc, je vais essayer de vendre. Oui. Donc le monsieur-là, il m'a dit maintenant, plus d'amateurisme, il faut vendre. Ah. Jessie, il faut la faire vendre, il faut la vendre. Voilà, et j'étais au milieu de dessinateurs qui reprenaient les comics et machin. Puis moi, je regardais Jessie, j'ai dit, on est petits, hein, tous les deux. Et peut-être que dans quelques années, elle sera au top, quoi. Ah bah, c'est ce qu'on te souhaite, en tout cas. Et j'avais toujours dit, je ne veux pas être le meilleur. Ça ne m'intéresse pas, je veux être parmi les meilleurs. Et quand on est parmi les meilleurs, on est bien, quoi. Bah oui, oui. C'est tout. Être le meilleur, ça sert à quoi? Je sais pas. Ça sert à rien. Que Jessie soit la meilleure sur le ring, je veux bien. Mais moi, voilà, c'est tout. Bon, on te souhaite plein de belles choses. Chris, t'avais une dernière question pour Arnaud. Donc, en étant donc un grand fan de catch depuis 2009... J'ai déjà eu l'occasion d'interviewer quelques catcheurs français. Et aussi, j'entends beaucoup dire « Le catch, c'est du faux, c'est du chiqué. » Et donc, qu'est-ce que tu as envie de répondre aux gens qui disent ça? J'aime bien poser cette question parce que pour avoir... Alors, juste une phrase. J'ai dit « Écoutez, messieurs, dames, vous poussez la porte d'un club ou d'une école de catch et vous verrez comment ça se passe. » Moi, je peux te dire que même en tant que manager... J'étais pas préparé à ça et lors d'un show, j'ai tapé le poteau. J'ai eu mal au dos le lendemain. Et pourtant, Dieu sait que j'ai eu mon poulain qui s'est blessé à la jambe un nombre incalculable de fois. J'ai des catcheurs français, je sais pas qui c'est que tu as interviewé, mais ils te diront, on se blesse. Ben. Si tu fais pas attention, je peux même te dire. Quand j'ai commencé à m'entraîner, mon copain m'a dit, si tu portes un collier, si tu le portes mal, tu tues la personne. Hein. Mm-hmm. Si tu sais pas tomber, t'apprends pas à tomber, tu vas au devant. Et c'est pour ça, je ne cesse de le répéter. Ce n'est pas un jeu, c'est pas du cinéma. Il faut s'entraîner dans des lieux spécialisés. Mmh. On fait pas ça sur une pelouse, on fait pas ça dans le fond de son jardin sur un matelas. Le catch, c'est du sérieux, il ne faut pas pousser et se dire ah, moi je suis John Cena. Non, John Cena est John Cena. John Cena a mis 25 ans pour faire ce qu'il fait. Ils se sont cassés les pattes, ils se sont cassés les bras pour arriver là où ils sont. Ils sont blessés. Ils ont des blessures. Ils ont encore des séquelles de leurs blessures. Mmh. Triple H a eu une grave blessure au cou qui l'a handicapé pendant un moment. Il a eu sa jambe qui a été flinguée. Seth Rollins a eu une jambe pitoyable et il est devenu champion. Pourquoi ? Parce que faut de l'abnégation, faut de la passion, faut en vouloir. Et surtout, quand on te dit tu fais ça, on se tait, on dit ce que l'entraîneur fait. Mais on ne fait pas ça dans les cours de récréation. Si vous voulez faire du catch, poussez la porte d'une école de catch. Et vous vous faites encadrer par des gars qui ont fait du ring. Et voilà, c'est tout. Et comme John Cena, il me semble, vu qu'on parlait de John Cena tout à l'heure, il y a quelques mois, même après toutes ces années de carrière, qui s'est cassé le nez, je crois, en plein ring. Oui. En plein combat. Et donc, oui, du coup, ça il arrive. Il est en sang. Donc, ça comme arrive. Quoi, c'est pas. Puisque pas tu parles de ça, il y a quoi ? Il y a. Bah, hier, j'ai vu un truc qui m'a vraiment profondément choqué. Il y a un catcheur mexicain qui est mort sur le ring, oui. Qui s'appelle Silver King, oui. Et qui combattait une légende qui s'appelle Juventus Guerrera. Au moment du tombé final, il fait une crise cardiaque et personne n'a pu le ranimer. Comme quoi, vous voyez, c'est pas la rigolade. Il faut être en forme physique, il faut être... Moi, je conseille de commencer le catch quand on a 15-16 ans. Parce que le squelette est quasiment fait, la croissance est quasiment faite. Mais avant, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est tout. C'est mon avis. Après, je pense que pas mal de gens du catch diront. Nous, on prend les gens à partir de 15-16 ans, à l'UFW. Et également un autre catcheur, pour, je ne vais pas dire l'anecdote parce que c'est triste également, Pero Aguayo Junior, je crois, qui est mort il y a quelques mois. Rey Mysterio. Ouais, avec Rey Mysterio. C'était un match à la Triple A au Mexique. C'est ça, coup du lapin, il est mort. Coup du lapin. Mais il faut savoir que ces gens-là savent les risques qu'ils prennent hein, quand ils arrivent. Attention, hein, ils ne viennent pas là. Oui. Voilà. Non, ils savent les risques du métier. Bon, la mort est condamnable. C'est quelque chose qui me rend triste parce que c'est des mecs qui sont payés à vous divertir comme autant des gladiateurs, sauf que c'est un peu moins barbare. Et puis il y a quand même des morts sur un ring. Mmh. Et je pense que Rey Mysterio, ça lui a fait un coup. C'est pour ça que quand je le vois catcher, je me dis le coup de la Triple A, ça a dû le. Mais moi personnellement, si j'étais catcheur et que mon adversaire meurt en plein match, je pense que j'arrêterai ma carrière. J'arrêterai ma carrière, et ne serait-ce que par mémoire de l'adversaire qui est en face de moi. Parce que on a eu le problème avec Eddie Guerrero, qui est mort malheureusement à la suite d'une crise cardiaque. Bon, on va pas se voiler la face. Pour tenir 300 jours par an, on prend autre chose. Il faut dire ce qui est. Et c'est pour ça que certains catcheurs meurent de cancer, de trucs comme ça. Bon, c'est la vie, hein. La mort fait partie de la vie. Mais mourir sur un ring, ça fait tâche pour le sport spectacle que c'est. Et j'aime pas ça. Honnêtement, j'aime pas ça. Bon, alors ne faites pas n'importe quoi avec le catch, on va repartir dans une bonne dynamique, hein, quand même. On a parlé aujourd'hui eh bien, de ton roman Angel Bay, dont le deuxième tome eh bien, sortira peut-être... Qui s'appellera donc Angel Bay Wrestling Storyline. Oui. Donc, que du Jesse. Bah voilà. Donc, et puis, quelques... Donc, comme j'ai un peu évasé avec Queenie, je ne dis rien. Ben voilà. Voilà. On garde les surprises. On te remercie beaucoup, Arnaud, d'être venu ici et pour nous parler. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli et de m'avoir écouté, surtout. Et puis j'espère que bah, Jessie vous fera plaisir. Ah bah, je ne fais qu'écrire son histoire. Et après, c'est à elle de se débrouiller, quoi. Voilà. On retiendra un message, si croyez en vos rêves, hein, voilà, surtout, tout est possible. Surtout, quand vous avez des rêves, donnez-vous la peine de les faire. Bah voilà. C'est sur ça que je voudrais finir. Eh ben, on gardera ce dernier message pour cette émission. Merci beaucoup à toi. Cette émission sera retransmise eh bien, pour les couches tard ce soir à minuit. Elle sera également présente sur notre site internet et notre page Facebook en podcast. Merci beaucoup Arnaud. À très bientôt. Une Merci très très belle à vous, route et à toi. Puis, quand je ferai le deuxième, je reviendrai. Eh ben voilà. Voilà. Avec plaisir. Merci, au revoir. Et bisous à tous. Underrated. Underground.